Le train. Chouk chouk rel ghari, le voici, traversant les montagnes, dévalant la plaine tel un serpent d'acier ou, au choix, un lombric métallique, une orvée argentée ou une nouille cuivrée. Le train porte dans son ventre ses enfants. Ce marsupial mécanique, joli terme à rajouter à la liste, nous transporte d'ici à là, en passant par les environs d'un autre endroit en 5 ou 15 lunes, selon l'époque, le lieu et ses propres performances. Mettons-nous d'accord. 3 heures suffiront, et tant pis si au bout du compte nous nous trouvons en plein désert azoïque ou en gare centrale d'une île engloutie. Chouk Chouk Rel Ghari aime l'action, l'inaction aussi, la grève sans doute davantage encore, cette action dans l'immobile, cette antipraxis dynamique, cette ultime défiance à la mollesse du mouvement et à la réforme post-destructiviste.